PMA, FIV, IAC, GPA. Vous en avez entendu parler, mais savez-vous ce que ça signifie réellement ? 38 ans après le premier bébé éprouvette en France, il est parfois difficile de s'y retrouver entre tous ces acronymes. Aujourd'hui, nous recevons Stéphanie, auditrice fidèle de Belgique, grande retranscriptrice, pour nous parler des techniques de procréation assistée. Vous êtes le mardi 15 mars 2016 et vous êtes sur Podcast Science. Et c'est l'épisode 253. Alors, ce soir, dans cette émission de type dossier, donc autour de la table qui n'est que virtuelle, donc nous avons Nico depuis Paris. Salut. Nico. Irène depuis Santa Barbara. Bonsoir. Moi-même depuis Baltimore, donc de l'autre côté des États-Unis. Et Stéphanie depuis Mons en Belgique. Bonsoir. On va peut-être faire une petite présentation de Stéphanie. Au cas où, parce qu'elle a un grand historique en podcast science. Je crois qu'elle a commencé en étant une auditrice de Y Penser, il me semble, que ça a commencé comme ça. Et grâce à l'interview qu'on a fait d'Y Penser, elle est arrivée dans notre chatroom un jour. Elle a commencé par être auditrice, puis elle est devenue assez rapidement l'auditrice qui parle de cul et de bière. Puis, il me semble qu'elle est devenue... Alors, je ne sais pas si c'est dans cet ordre-là, mais on va le faire dans cet ordre-là. Et elle a monté les échelons pour de vrai. Elle n'a pas râlé tout de suite, elle a été à l'antenne. D'abord, elle a envoyé des bières, puis elle a fait des retranscriptions, et puis finalement... Elle a fait Jean-Pierre Finet, 2h30 de trou noir au niveau. Attends, elle a fait Bruce aussi, non, il me semble. Elle a fait Bruce aussi, 3h d'émission aussi. Et des phrases qui changent 3 fois de sujet dans la même phrase. C'est ça. Et 45 liens à la minute. Il y a du haut level, oui, en plus, c'est ça, oui, parce que va retrouver le lien pour la saison de Batman qui est paru en DVD avec la... la figurine aussi. La figurine de Batmobile, bref. Et puis il y a eu Ramu, hein, voilà. Il y a eu Ramu, oui, donc grosse retranscriptrice de dossier. Voilà, et finalement, donc, elle arrive en audio pour un dossier sur Podcast Science. C'est la consécration un peu. Il ne fallait pas boire du café avec Alan. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je me tais. Donc, au sommaire de cette émission, donc, le dossier sur la procréation médicalement assistée de Stéphanie, des questions d'auditeurs, une quote, et puis bah, c'est tout. Voilà, je ne crois pas qu'il y ait de plug, on va peut-être en inventer pendant l'émission. Sinon, bah, du coup, je te laisse commencer. Stéphanie, c'est à toi. Merci beaucoup. Il y a Pascal qui tient à me rendre aussi une partie de la retranscription de Carl Zimmer. Voilà. Mais il faut dire que c'est un record parce que t'as retransmis avant même que Johan commence à se poser la question de qui retranscrit. Ouais, j'avais du temps devant moi. Donc voilà, je vais passer au sujet du jour ou du soir. Donc je vais vous parler ce soir de procréation médicalement assistée. Je rappellerai brièvement la question de la fécondation, les causes majeures d'infertilité, mais je parlerai surtout des différentes techniques utilisées pour remédier aux problèmes de fertilité. Je ne pense pas que ce dossier apprendra beaucoup de choses aux gens qui malheureusement ont besoin de la PMA, mais j'espère qu'elle aidera les autres à mieux comprendre ce domaine et ses implications. Commençons d'abord par la définition de la PMA. Il s'agit de l'acronyme de procréation médicalement assistée. Elle est définie comme l'ensemble des techniques permettant à un couple infertile de concevoir un enfant. On parle également d'assistance médicale à la procréation, AMP. Je vais commencer d'abord par un petit rappel sur la reproduction humaine, parce que sinon ça va être beaucoup moins pratique pour comprendre la suite. Je vous mets une image dans la chatroom. Donc, les femmes naissent normalement avec des ovaires contenant des ovocytes. Sur le schéma, on voit un ovaire avec de nombreux petits follicules qui contiennent les ovocytes et on voit également 3 follicules à différents stades de maturation. À la naissance, une femme dispose d'une réserve d'environ 500 à 700 000 ovocytes. Pourtant, il n'y a en moyenne que 400 ovulations au cours d'une vie reproductive. Donc 99,9% des ovocytes disparaissent sans que l'on sache pourquoi ou vraiment comment. Cette disparition constitue aujourd'hui un enjeu scientifique important, entre autres dans la question de l'insuffisance ovarienne précoce. À partir de la puberté, les ovocytes grandissent dans les follicules ovariens. Les cellules folliculaires produisent une hormone qui conduit au déclenchement du signal d'ovulation, normalement tous les mois hors prise de contraception. À ce sujet, je vous renvoie au très bon dossier d'Irène sur la pilule. La théorie veut que l'ovulation se produise au 14e jour du cycle menstruel, mais en pratique, la durée des cycles et la date d'ovulation sont souvent bien moins précises que cela. Si on en revient à l'ovocyte, après son expulsion de l'ovaire et sa descente dans la trompe de Fallope, il est fécondable durant 24 heures. Alors, les trompes de Fallope. Je vous remets un petit schéma pour ceux qui se souviennent mieux des cours de maths que de bio. Les trompes de Fallope, ce sont les conduits qui relient les ovaires à l'utérus. Après la fécondation, les trompes de Fallope assurent le déplacement de l'ovule vers l'utérus, où il peut s'implanter dans la muqueuse utérine qu'on appelle l'endomètre. Si ce déplacement ne se fait pas ou pas bien, l'embryon peut poursuivre son développement dans les trompes, les ovaires ou même l'abdomen. Ce phénomène est appelé grossesse extra-utérine, donc GEU, et il peut être extrêmement dangereux. Bon, allez, j'y vais pour la première question débile. Juste parce que tu as mis un schéma des trompes de Fallope, et j'avais jamais vu celui-là en particulier qui me choque, et je me dis, est-ce que c'est la taille réelle? Et donc tout de suite, j'ai été sur Google Images, j'ai vu que c'était un peu la fête du slip au niveau de taille par rapport au bassin. C'est quoi la taille réelle, du coup? La taille réelle... Je veux dire, par rapport au bassin, là, tu vois, là, on a l'impression que c'est vraiment bassin, donc là, je pense pas. Mais... Non, c'est plus petit que ça, hein, nettement, mais bon, là, ça permet de bien voir les structures. Donc ça s'arrête avant le nombril, quand même. Ouais, enfin, c'est plus bas, plus petit, et puis il y a plein d'autres trucs autour aussi, donc... C'est plus petit, mais un vagin, c'est environ 10-15 cm, quoi. Je me demande si, en fait, c'est pas... Je pense que c'est au niveau proportion, en fait, que le vagin doit être à peu près de la bonne taille, mais que le reste, c'est un peu plus petit. L'utérus, c'est vraiment petit quand il n'y a personne dedans. Donc voilà, non, on n'est pas juste des ovaires sur pattes. Merci, Stéphanie. Je t'en prie. Poutoum. Ouais, on va arriver du côté masculin. Avec la spermatogénèse, donc la production de spermatozoïdes, qui a lieu dans les tubes séminifères des testicules. Je vous épargne l'image. Elle débute à la puberté, elle atteint son maximum entre 20 et 30 ans, ensuite elle ralentit, mais elle peut se poursuivre jusqu'à un âge avancé. Il s'agit d'un processus continu qui demande de 2 mois et demi à 3 mois. Un spermatozoïde est composé de deux parties, la tête et le flagelle séparés par le collet. La tête contient le noyau d'ADN. Un éjaculat a un volume de 1,5 à 5 ml et contient habituellement de 39 à 75 millions de spermatozoïdes. Oui, je suis définitivement de l'équipe 70 et 90. Voilà, beaucoup les Suisses. La probabilité d'une grossesse lors d'un rapport non protégé en période d'ovulation est d'environ 25%. Que ça vous paraisse peu ou beaucoup, je conseille au public qui n'est pas en PMA de ne pas tabler uniquement sur les probabilités pour éviter une grossesse. J'en arrive à la définition de l'infertilité. Il s'agit de l'incapacité pour un couple à concevoir un enfant. Donc un couple est considéré comme infertile au bout d'un à deux ans d'essais non protégés n'ayant pas abouti à une grossesse. Ou bien s'il y a des grossesses mais qui n'aboutissent pas à la naissance d'un enfant vivant. Donc, il y a fausse couche avant l'accouchement. Aujourd'hui, un couple sur six consulte pour infertilité. Les résultats obtenus lors des bilans de fertilité montrent que dans 30% des cas, l'infertilité est d'origine féminine, 30% masculine et 30% d'origine mixte. Pour les 10% restants, le bilan de fertilité du couple est normal et on parle alors d'infertilité inexpliquée. Et ça, Stéphanie, je t'arrête, ces chiffres, c'est dans la population en Europe, en Belgique. Oui, donc je les ai retrouvés, en fait, à part en France, où d'un coup, à un endroit, on me donnait 60% d'origine féminine. Je les ai retrouvés pour la Suisse, la Belgique et les États-Unis. D'accord. Donc, voilà. Comme pour la France, c'était juste un centre en particulier, j'ai décidé de ne pas le garder parce que je me suis dit qu'ils avaient peut-être juste... Enfin, c'était peut-être juste un biais du centre et je n'ai pas réussi à trouver de résultats globaux pour toute la France. Moi, je vais le respo question bête ce soir. Ta définition là, de l'infertilité, c'est grosso modo, c'est on n'arrive pas à faire un enfant en ayant essayé pendant 2 ans. Ouais. Et tu dis cause masculine, féminine et un peu des deux, mais c'est toujours des causes biologiques. Il n'y a pas que des causes, il n'y a pas aussi un peu parfois des causes de ils s'y prennent mal au sens large, ça peut vouloir dire, je sais pas. Mais tu veux dire quoi? Oui, non, mais je. Tu vois, ne serait-ce que quand tu as dit, il y a tel, c'est tel jour, la fécondité et compagnie, tu peux avoir des gens qui vont le faire qu'une fois, pile un jour, en se disant c'est le bon jour, et puis qui, en fait, sont toujours à côté de la plaque, j'en sais rien, tu vois. Juste me dire, est-ce qu'on compte là-dedans aussi des gens juste qui n'y arriveraient pas pour des raisons annexes, un peu stupides, mais qui doivent, j'imagine, exister. Enfin, l'humanité est large. J'ai vu un gynécologue qui disait qu'il commençait toujours par demander aux gens comment ils s'y prenaient, parce qu'il avait effectivement eu des gens qui s'y prenaient juste mal. Et donc, une fois informé sur les bonnes manières et la façon dont effectivement les enfants se concevaient, ils arrivaient à avoir un enfant. Donc, pas stupide, et oui, il y a effectivement des gens qui ont visiblement bien séché les cours de biologie. Mais dans tes chiffres, c'est plutôt c'est du médical, quoi. C'est du biologique. On a passé ceux qui avaient juste besoin d'un schéma, quoi. Ouais, parce que statistiquement, les gens qui s'y prennent mal, je pense que ça doit pas peser lourd dans la balance quand même. C'est ça. Honnêtement. Mais incroyablement, honnêtement, il y en a quand même. Irène, moi, je veux même pas savoir les chiffres, en fait. C'est ce que tu disais pour la pilule aussi, dans ton dossier, qu'il y avait des couples où c'était les hommes qui avaient pris la pilule au début, quelque chose comme ça. Et qui, du coup, la femme se retrouvait enceinte et après, ils comprenaient pas. on rigole, mais c'est vrai que moi, j'ai bossé en pharmacie quand j'étais étudiante. Je vous assure que c'est vrai, il y a des gens qui venaient et les nanas, elles me demandaient si elles devaient avaler toute la plaquette en même temps, en un jour quand même. Et c'est véridique, c'est incroyable. Ouais. Enfin bon, passons. C'est pour ça qu'on est utile. C'est à ça qu'on sert ce soir. Voilà. Je reprends ? Vas-y. Non. Alors, Donc, les causes les plus fréquentes d'infertilité d'origine féminine sont l'absence ou les troubles d'ovulation et l'obstruction des trompes de Fallope. Alors, ces problèmes peuvent être dus à différents facteurs comme l'âge, les infections sexuellement transmissibles, des malformations génétiques, le syndrome des ovaires polykystiques, l'endométriose, l'exposition au stibum in utero, etc. Je ne sais pas si vous avez des questions et si j'ai dit des gros mots. Non, ça a l'air d'aller. Ah, pas pour moi. Chez les hommes, c'est la réduction du nombre de la mobilité ou de la qualité des spermatozoïdes qui peuvent être des causes d'infertilité. Ceci peut être dû à de nombreux facteurs comme l'hygiène de vie, les maladies infantiles, l'exposition environnementale. Entre les années 1940 et 2000, il a été constaté un déclin des paramètres spermatiques et du nombre de spermatozoïdes chez les hommes dans les pays occidentaux. Il n'y a pour l'instant pas de consensus scientifique sur les raisons de ce déclin. On parle d'azoospermie lorsque aucun spermatozoïde n'est produit. Alors, les spermatozoïdes anormaux peuvent présenter plusieurs têtes, ou une tête trop petite, trop grosse, triangulaire, des flagelles mal formées, doubles, ou pas de flagelles du tout. Donc, vous avez une petite galerie des horreurs dans l'image que je viens de vous mettre. En fonction des raisons d'infertilité, les techniques de PMA qui sont utilisées vont être différentes. On va continuer avec... Pardon. Et en fait, ça veut dire que dans PMA, en fait, il y a un nombre de trucs qui va du coq à l'âne. T'as énormément de choses, en fait. Complètement. Donc, il y a des gens chez qui le problème est exclusivement du côté de la femme, exclusivement du côté de l'homme. Voire, il n'y a pas du tout de problème. Il y a des gens qui ont eu des enfants précédemment avec d'autres gens qui n'arrivent pas à en avoir ensemble, sans qu'ils aient une anomalie génétique qui soit diagnostiquée. Donc ça part relativement dans tous les sens. On va continuer avec un peu d'histoire de la PMA. Les expérimentations sur le stockage de sperme auraient commencé au XVIIIe siècle, et un prêtre italien, Lazzaro Spallanzani, proposa notamment de congeler du sperme humain dès 1776. Attends, mais tu as dit un prêtre ? Oui, un prêtre scientifique, je veux dire Mendel aussi. Mendel, il et le maître. Pas au spermatozoïde quand même. Non, mais bon, il en est resté sur... Non, il parlait de sperme humain et puis de chien aussi, oui. Bah, il était vraiment curieux et puis il a dû se trouver un endroit où il n'allait pas se faire cramer. Bon, j'arrête mes commentaires de toute façon. Non, vas-y, je t'en prie. Alors... J'ai vu rapporter que la première insémination artificielle intraconjugale aurait lieu fin du XVIIIe siècle en Écosse, mais on a des informations formelles sur le docteur James Marion Sims, donc gynécologue américain, qui en 1866, pardon, rapporte le succès d'une insémination artificielle conduisant à la naissance d'un enfant vivant. On va te couper, de toute façon c'est un dossier court, hein, mais tu précises intra-conjugal, ça ouais, a une importance pour la première insémination. Ben oui, parce que le don de sperme, ça arrive plutôt plus tard, quand on se rend compte que oui, l'infertilité peut être aussi masculine, ce qui n'est pas vraiment dans la tête des gens à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on commence par tester les... Donc quand un couple n'arrive pas à avoir d'enfants, à l'époque, ils ont commencé par les gamètes de l'époux du couple, de manière assez logique. Ah, ça y est, j'ai compris. Ok, oui, d'accord. Oui, oui, oui, d'accord. Il n'y a pas de donneur de sperme. Ben, d'accord. À ce moment-là. Donc, parce que je pense que... Enfin, il y a des gens à qui ça paraît encore bizarre aujourd'hui, donc je pense qu'à l'époque, ça leur paraissait extrêmement bizarre. En 1890, voilà. Walter Hipp, de l'Université de Cambridge, rapporte le premier cas de transplantation d'embryon de lapin. Et c'est là que j'aurais vraiment voulu avoir FIP ce soir. En 1932, Aldous Huxley décrit la technique... Non, là, il y a un truc qui a sauté. Merde, pardon. Ah, au secours. J'ai ma technique de fécondation in vitro qui a sauté. Désolée. Bon. Pas toujours. Hein, c'est ça, c'est pas grave. On va passer en 1934 avec Gregory Pincus, qui est le co-inventeur de la pilule contraceptive. On en revient toujours au dossier d'Irène. Il mélange des ovocytes et des spermatozoïdes de lapin et transplante les embryons obtenus dans l'utérus d'une lapine porteuse. Le problème, c'est qu'aucun scientifique ne parvient à ce moment-là à reproduire l'expérience. En 1944 à Boston, Miriam Menkin et John Rock, l'autre inventeur de la pilule contraceptive, récoltent plus de 800 ovocytes de femmes et ils observent pour la première fois la fécondation in vitro de gamètes humains. Ce n'est qu'en 1959 que M.C. Chang arrive à reproduire l'expérience de Pincus en obtenant la naissance de lapins vivants, d'une lapine blanche, à partir d'embryons obtenus à partir de gamètes de lapins noirs. Donc là, on tient la preuve que ça fonctionne chez le lapin. La première grossesse humaine suite à une fécondation in vitro a été rapportée en 1973 à Melbourne, mais... Elle s'est arrêtée très très rapidement après moins d'une semaine de grossesse. En 1976, les Anglais Patrick Steptoe et Robert G. Edwards publient une étude sur une grossesse extra-utérine obtenue après un transfert d'embryon, donc qui a été évidemment arrêtée vu qu'elle se développait pas au bon endroit. En 1978, grâce aux travaux de Steptoe et Edwards toujours, naît Louise Brown. Donc la première enfant née suite à une fécondation in vitro. Robert Edwards a obtenu en 2010 le prix Nobel de médecine pour leurs travaux sur la FIV. Edwards était déjà décédé. Steptoe était décédé, donc il n'a pas obtenu le Nobel. Ensuite, il y a eu les premières grossesses issues d'embryons congelés, de nouveaux traitements, de nouvelles techniques, mais je vais vous détailler ça dans la partie justement technique de la PMA, sauf si vous avez des questions sur l'historique. Tout le monde a l'air sage. Donc dans les techniques, il existe différents traitements en fonction du type de pathologie dont souffrent l'un ou les deux membres du couple. Je vais les détailler dans l'ordre croissant d'intervention, de la plus, si l'on peut dire, légère à la plus lourde. Tout d'abord, la stimulation ovarienne simple. Elle permet de pallier un problème hormonal et vise soit à rétablir une ovulation, soit à augmenter le nombre de follicules arrivant à maturité. Elle permet également la préparation de l'endomètre pour l'implantation de l'embryon. Cette technique est utilisée lorsqu'une femme a des problèmes d'ovulation qui peuvent être résolus par une simple stimulation et que la qualité spermatique du conjoint est suffisante pour qu'une conception naturelle soit possible suite à la provocation de l'ovulation. L'ovulation est provoquée par la prise d'un médicament permettant la production d'hormones folliculostimulantes par l'organisme. Cette hormone stimule donc, comme son nom l'indique, la croissance des follicules et la maturation des ovocytes. Le but, c'est de faire grossir un ou deux follicules au maximum. Donc 15 jours après l'ovulation et la potentielle de conception, un test sanguin est effectué pour détecter une éventuelle grossesse. Il permet de mesurer le taux de bêta-HCG, qui est l'hormone chorionique gonadotrope, c'était un gros mot, laquelle est sécrétée par le placenta à partir de l'implantation de l'embryon dans l'utérus. Pendant cette période de 15 jours, il est également fréquent qu'un traitement à base de progestérone soit prescrit afin de soutenir l'éventuelle nidation. Donc Stéphanie, tu peux nous donner une idée, c'est lourd comme traitement, ça fait alors, beaucoup en fait, d'hormones, La stimulation ovarienne simple, c'est la plus légère. Donc il y a prise d'un médicament qui permet la production d'hormones. Pour le reste, c'est en fait directement les injections d'hormones. Et donc on n'est plus en prise médicamenteuse, on est en injection pour les traitements suivants. Alors en pratique, c'est un traitement qui dure combien de temps? Alors ça dépend. Pour la fécondation in vitro, c'est vraiment le plus long. C'est vraiment... Il y a le suivi des follicules. Et tant que les follicules n'ont pas atteint la bonne taille, on poursuit le traitement pour essayer d'obtenir un ovocyte mature. Donc ça peut être assez long parce que le but, c'est que les doses d'hormones ne soient pas trop fortes pour éviter des hyperstimulations. Mais du coup, ça peut prendre un certain temps quand il y a un problème d'ovulation. Si le problème est plutôt côté masculin, ça peut être moins lourd du côté féminin parce qu'il peut s'agir de juste donner un coup de pouce. Mais s'il n'y a pas d'ovulation, alors ça j'imagine qu'au bout de 2 ou 3 mois, les médecins peuvent se rendre compte si ça marche ou si ça ne marche pas, n'est-ce pas? Oui, donc en fait, généralement, suite au bilan de fertilité, les médecins savent s'il y a moyen de passer par la stimulation simple ou si ça va être directement des inséminations ou une fécondation in vitro. Dans les cas d'infertilité inexpliquée, par exemple, on fait toujours la cascade, parce qu'il n'y a pas de raison de faire passer en fécondation in vitro des gens qui, a priori, sont fertiles. Je sais que pour le blocage des ovaires en fécondation in vitro, ça peut durer plusieurs semaines, le temps d'être sûr que ce soit bien bloqué. Et qu'il y a aussi un détail qui est très pratique, c'est que les centres soient disponibles. Donc parfois, on bloque les ovaires d'une femme plus longtemps parce que le centre est en vacances. Et oui, bien sûr. Ouais. Donc ça, c'est très technico-pratique, mais voilà. C'est la réalité. Ouais. Quand tu dis qu'il n'y a pas de raison de le faire passer en fécondation in vitro, c'est parce que c'est beaucoup plus lourd, en fait, c'est ça? Oui, voilà, c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus coûteux. C'est sortir un bazooka pour potentiellement tuer un moustique. Donc, a priori, on commence par la tapette à mouche. Mais voilà, il y a des gens, dès le bilan de fertilité, on voit qu'il n'y aura pas moyen d'y échapper. Mais je vais arriver après. Je termine juste sur la stimulation ovarienne. J'ai répondu aux questions. La probabilité de grossesse par cycle, c'est de 10 à 20% avec cette technique-là. Donc, elle peut être répétée plusieurs fois si la réponse au traitement est bonne. Mais si ça ne fonctionne pas, on passe du coup à l'insémination artificielle, qui elle est indiquée lorsque les spermatozoïdes ont des difficultés à arriver dans l'utérus, dans le cadre aussi des problèmes ovulatoires, mais plus conséquents, d'altérations anatomiques ou fonctionnelles du col de l'utérus, et puis pour les infertilités d'origine inconnue pour lesquelles la stimulation ovarienne n'aurait rien donné. Là, la stimulation des ovaires est réalisée au moyen d'injections quotidiennes d'hormones folliculostimulantes. Et on cherche aussi à obtenir au maximum 1 ou 2 follicules dominants. Ouais, donc là, on voit tout de suite que c'est beaucoup plus lourd, hein, parce que c'est tous les jours qui... Voilà. Et encore, je ne parle que des injections, mais il y a prise en même temps de pas mal de trucs qui sont bêtement de la vitamine B9. C'est pour éviter le spina bifida. Donc, ça, c'est un truc tout bête, mais qui est à prendre en plus. Ça devient vite lourd. Et là, on est encore que à l'insémination artificielle, où on cherche à avoir 1 ou 2 follicules. C'est déjà bien plus lourd. Ouais. C'est ça, ça devient déjà bien pénible. Au moment de l'ovulation, il y a eu recueil de sperme par l'homme du couple. Et l'échantillon, qui doit contenir au minimum 1 million de spermatozoïdes, est déposé dans la cavité utérine à l'aide d'un cathéter. Du coup, par rapport à la stimulation ovarienne simple, où là, la conception est naturelle, ici, ça se fait au labo. Je vous mets un petit schéma de l'insémination artificielle. Une fois que les spermatozoïdes sont déposés dans l'utérus, là, la fécondation se fait naturellement. Si elle se fait, donc les spermatozoïdes remontent la trompe de Fallope et la fécondation peut s'y produire. Alors, les probabilités de grossesse avec cette technique, elles sont de 10 à 20%. En France et en Belgique, qui sont les pays que je connais le mieux pour ça, le nombre maximal d'inséminations qui sont remboursées est de 6. Sachant qu'en France, après chaque grossesse, un couple dispose à nouveau de la possibilité de réaliser 6 inséminations. En Belgique, il est figé pour chaque femme, quel que soit le nombre de grossesses ou un changement de partenaire. Et du coup, là, c'est la même probabilité de grossesse que la méthode précédente, en fait. Oui, mais parce qu'en fait, elle ne s'adresse pas au même problème. D'accord. Mais voilà, c'est pas des taux très élevés. Alors, il y a des centres qui... Bah, surtout que oui, c'est assez fou, parce que là, tu es en train de dire, on les met quasiment à la ligne d'arrivée, et malgré tout, on reste sur des taux qui sont autour de 20%, quoi. Oui, mais on est à 25% en conditions normales au moment de l'ovulation. Oui, d'accord, ouais. Donc en fait, on est proche des conditions normales, finalement. C'est ça, c'est pas du 100%, quoi. Il y a des centres qui affichent des taux plus élevés, mais notamment si on fait maturer plus de follicules, mais alors il y a le risque d'avoir des grossesses multiples qui sont problématiques à cause du risque de prématurité des enfants. Donc voilà, 10 à 20% c'est ce qui est prévu, enfin ce qui est observé en conditions à peu près normales. C'est-à-dire qu'il y a des cliniques où ils décident d'en mettre 5 ou 6 au lieu de 3, et du coup, il y a des possibilités d'avoir des sextuplés à la fin, quoi. Oui, après... C'est un risque faible, mais ça arrive, quoi. Voilà, normalement, ça dépend des pays aussi, non ? Oui, voilà, exactement. Ça dépend des pays. Normalement, en insémination artificielle, on ne va jamais au-delà de 3 follicules dominants. Après, il y a... Voilà. Mais justement, pas aux États-Unis. C'est pour ça qu'on entend régulièrement ces nouvelles aux États-Unis de sextuplé, machin. C'est parce qu'aux États-Unis, je sais pas s'ils ont une limite, mais en tout cas, s'il y en a une, elle est largement supérieure à celle en Europe, quoi. Mais, enfin, voilà, j'ai l'info qu'aux États-Unis, il y a plus d'un tiers des jumeaux et trois quarts des triplés qui sont dus à la PMA. Donc, c'est quand même, alors qu'en France, c'est 10%. Sextuplés. Oui, alors probablement. Hein. Je veux dire, les sextuplés dans la nature, ça, non, quand même. Mais on n'est pas, voilà, c'est pas des chats ici, on parle des humains. C'est pas prévu pour. D'accord, donc en fait, tous ces grossesses très multiples qu'on entend parler aux États-Unis, c'est souvent le cas, c'est souvent dû à la procréation. Ah, mais c'est toujours, hein. Oui, d'accord. C'est toujours, bien sûr. Hein. Voilà, je vais... passer au don de sperme. En fait, on parle d'insémination artificielle avec le sperme du conjoint pour IAC et d'IAD pour l'insémination artificielle avec le sperme d'un donneur. Donc, cette technique-là est recommandée lorsque l'homme présente des maladies héréditaires ou bien est stérile ou lorsqu'il n'y a pas de partenaire masculin. Donc, ça peut être une femme seule ou les couples lesbiens, sachant que c'est interdit en France. En fonction des pays, les donneurs sont anonymes ou non. Donc leur identité peut être connue lors de la commande des gamètes ou à la majorité de l'enfant sur demande de celui-ci. C'est vraiment particulier. Et le don peut également être gratuit en France, ou rémunéré comme au Danemark ou aux États-Unis. Du coup, il y a un problème de pénurie en France qu'il n'y a pas dans les pays où les donneurs sont rémunérés. Le nombre de dons par homme et par femme également, est limité. Donc après avoir conduit à la naissance d'un certain nombre d'enfants, jusque 10 en fonction des pays, le sperme d'un donneur n'est plus utilisé afin d'éviter les risques de consanguinité. Là, la probabilité de grossesse par IAD est d'environ 30%. C'est plus que pour les IAC, parce que les donneurs sont testés, donc les hommes infertiles sont écartés, donc on augmente la probabilité d'une grossesse, vu qu'on donne quand même un petit coup de pouce à la nature en les amenant plus près. Mais on gagne que 5% par rapport à la normale. Je vais maintenant arriver au nerf de la guerre, donc la fécondation in vitro. C'est la grosse artillerie des traitements de la procréation, on la garde pour la fin quand on a épuisé les autres techniques, ou pour les cas trop compliqués, comme je l'ai dit précédemment. Elle est utilisée par exemple lorsque les trompes de Fallope sont absentes ou ont dû être enlevées parce qu'il y avait une grossesse extra-utérine, par exemple, bien trop endommagée pour permettre à l'ovocyte d'être transporté, mais aussi lorsque les spermatozoïdes ne peuvent pas atteindre l'ovocyte seul. Alors, Fécondation in vitro, ça se déroule en trois phases. D'abord, une phase de blocage des ovaires. Ça, c'est pour éviter une ovulation spontanée et contrôler les effets de la stimulation. En fonction des protocoles, donc il y a des protocoles dits longs et des protocoles courts, ce blocage peut durer quelques jours à plusieurs semaines. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, en fonction également du fait que les centres soient ouverts ou non, les vacances de Noël, d'été. C'est à raison d'injections d'hormones quotidiennement. Donc, dire à quelqu'un qu'au pire, vous ferez une fécondation in vitro, c'est voilà. Ouais, ça paraît simple, mais c'est lourd aussi. Ouais. C'est lourd. C'est à ne plus avoir... Enfin, tu vois les témoignages, c'est à ne plus avoir de place sur le ventre pour trouver au piqué. Donc, c'est tout sauf facile. Donc, le but lors d'une fécondation in vitro, c'est d'obtenir un maximum d'embryons pour pouvoir faire des transferts. Et donc, on essaye de maximiser le nombre et la qualité des ovocytes récoltés via une stimulation ovarienne. Ça, c'est la deuxième phase du traitement. Vous pouvez voir sur la photo que j'ai mise dans la chatroom et dans le dossier, un ovaire contenant plusieurs grands follicules après donc 25 jours de stimulation. Waouh, c'est ça. Il faut dire qu'il y a eu le blocage, puis 25 jours de stimulation, et que chaque petit rond noir fait en moyenne 18 mm. Donc, il faut imaginer la taille de l'ovaire. Normalement, il y a un seul follicule dominant dans un ovaire. J'imagine que tu vas y venir, mais on peut en faire plusieurs des fécondations in vitro ou on tente une fois dans sa vie et puis après on arrête quoi. Alors en fait, je ne vais pas dire qu'on peut en faire autant qu'on veut parce que le remboursement en France, en Belgique, c'est 4. Et aussi parce que quelque part, ça épuise la réserve folliculaire. Donc normalement, on produit... Là où je voulais en venir, ouais, justement. C'est ça, une femme produit... Je crois qu'en France, c'est 2, non ? C'est 4. C'est 4 en France aussi ? Oui, oui. Ah d'accord, ok. Ou alors, il y a une législation qui vient de changer, je ne l'ai pas appris, mais normalement, c'est 4. 4 remboursés et par enfant. Et en Belgique, 4 par femme. Ou 6 par femme, pardon, 6 par femme. D'accord. Et donc, voilà, vous imaginez la taille. Et les deux ovaires sont comme ça. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui, physiquement... c'est pas juste contraignant, c'est lourd. C'est une production massive d'ovocytes. Mais c'est vrai que, enfin, moi, il n'y a pas beaucoup d'hommes dans la chatroom, mais ça peut faire mal, en fait, des ovaires. Hein. Ça peut, on peut le sentir, oui, nous, les femmes. Là, il n'y a pas de doute. Ils se sentent, quoi. Juste en marchant. Ouais, on les sent, ouais. On les sent. En période normale, déjà, une femme peut les sentir. Alors là, j'imagine que la pauvre dame, elle devait vraiment le ressentir, ses ovaires, ouais. Voilà, donc, tous les couples ne vont pas au bout des cas de fécondation in vitro, même s'ils n'ont pas eu de grossesse, parce que les traitements sont lourds. Physiquement, c'est pas facile. Il y a des femmes qui doivent être arrêtées pendant leur traitement parce que elles ont trop mal, en fait. Juste pour se lever, pour bouger, les ovaires sont trop lourds. Ils ne sont pas prévus normalement pour produire autant d'ovocytes une seule fois. Et donc quand on a réussi à produire autant de follicules, que le nombre et la taille convient, on passe à la troisième phase qui est le déclenchement de l'ovulation. Donc elle est provoquée 32 à 36 heures avant l'heure prévue de la ponction. Et suite à ce déclenchement, les ovocytes sont prélevés au sein des follicules, sous anesthésie locale ou générale. Alors, là, c'est vraiment le truc qui fait que pour moi, on ne peut pas confondre une fécondation in vitro et une insémination. C'est que l'insémination, on dépose des spermatozoïdes dans l'utérus avec un petit cathéter. Pour une fécondation in vitro, c'est une aiguille de ponction qui passe par la paroi vaginale et qui vient percer les ovaires. Et donc, les follicules sont... Le liquide folliculaire, en fait, est ponctionné, sachant qu'un follicule contient toujours un ovocyte, mais il n'est pas forcément toujours mature. Donc, on compte les follicules qui sont de grande taille et on espère qu'il y aura un ovocyte mature dans un maximum d'entre eux. Donc, une fois qu'on a recueilli le liquide folliculaire, les ovocytes sont mis en culture dans un incubateur. Le nombre d'ovocytes récoltés, c'est en moyenne 10, mais il peut varier donc de 0, donc là... il n'y a aucun ovocyte mature, à plusieurs dizaines. Mais les recueils à plus de 15 ovocytes sont quand même plus rares. Donc je crois que ça représente 5% des ponctions. Le recueil de sperme est réalisé le même jour que la ponction d'ovocytes. et préparé pour la fécondation in vitro, donc lavé, centrifugé, concentré. À ce moment-là, on a d'un côté les spermatozoïdes et de l'autre les ovocytes. Et il y a différentes techniques de fécondation qui peuvent être mises en œuvre. Dans le cadre d'une fécondation in vitro classique, chaque ovocyte est mis en présence de 50 à 100 000 spermatozoïdes mobiles avant de être placé à 37 degrés dans un incubateur. Si je reprends les chiffres que tu nous donnais tout à l'heure, c'est peu en fait, c'est ça ? Oui, c'est relativement peu. Donc pour une insémination, c'est 1 million. Un éjaculat normal, c'est plusieurs dizaines de millions. Donc oui, c'est peu. Mais d'un autre côté, là, pour le coup, ils sont dans une boîte de pétri et ils n'ont pas vraiment d'autre endroit où aller. Donc on leur a vraiment mâché le travail. Ils ont juste essayé de pénétrer la membrane qui entoure l'ovocyte, que je vous mets là, maintenant, en photo. Et non, le recueil de sperme n'est pas un traitement difficile. Et là, question très con, mais parce que moi, c'est un peu l'image que j'avais de la fécondation in vitro. Pourquoi on n'introduit pas directement un spermatozoïde dans l'ovocyte ? Eh bien, t'attends 2 secondes. D'accord. Donc, parce que avec cette technique-là, la sélection de spermatozoïdes, en fait, est naturelle. Donc, c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour ça qu'on les met juste ensemble comme ça, parce que l'ovocyte ne laisse pas rentrer le premier spermatozoïde qui arrive. Il fait une sélection, notamment sur celui qui sera le plus différent génétiquement. Enfin, pas rentrer dans les détails là, mais ça a un intérêt de laisser l'ovocyte, avec, entre guillemets, choisir. Mais le problème, c'est qu'il y a le risque d'aboutir à un faible taux ou une absence complète de fécondation si les spermatozoïdes ne parviennent pas à franchir les membranes qui protègent l'ovocyte. Par exemple, parce que leurs têtes sont anormales, comme sur l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, ils ne vont pas réussir à... Ou s'ils n'ont pas de flagelle, ils ne vont pas réussir à aller jusqu'à l'ovocyte, même en étant dans une boîte de pétri juste à côté. Du coup, pour contrecarrer ce problème, on peut réaliser une fécondation avec injection intracytoplasmique. Donc, quand on vous dit fécondation in vitro et que vous pensez à l'image de l'aiguille qui perce l'ovocyte, ça, c'est une fécondation, enfin, c'est une FIV-ICSI. C'est une technique qui a été utilisée chez l'homme pour la première fois en 1991, qui a été développée par des Belges, fallait que je le dise. Elle permet d'améliorer les taux de fécondation et de grossesse lorsque les spermatozoïdes présentent des anomalies sévères. Donc voilà, les spermatozoïdes avec des têtes toutes bizarres, comme on l'a vu tout à l'heure, ils vont pas réussir à passer les structures qui protègent l'ovocyte, et donc du coup on les enlève et on introduit directement le spermatozoïde dans l'ovocyte après avoir neutralisé son flagelle pour ne pas qu'il casse tout à l'intérieur. Et donc là c'est le summum ou on peut encore aller encore plus loin ? On peut aller un tout petit peu plus loin, parce que là en fait, contrairement à la fécondation classique, il n'y a plus de choix de gamètes effectué par l'ovocyte, c'est effectué par la main du laborantin. Je voulais juste commenter effectivement cette photo. Moi, d'un point de vue scientifique, je trouve ce genre de photo, ça m'a toujours fascinée quand même, cette fécondation, comme ça, manuel avec une pipette. Ouais. C'est quelqu'un qui va percer un ovule, enfin là, je ne sais pas quelle est la taille, mais j'imagine c'est 20 à 100 ou 200 microns. Ouais. Et je veux dire, aller faire ça manuellement, moi, ça m'a toujours fascinée quand même. C'est quand même incroyable quand on y pense. C'est, oui. Et pour les auditeurs. Pour décrire pour les auditeurs qui ne sont pas en live ce que tu es en train de commenter, ouais, justement, c'est une image qu'on a vue énormément, très souvent. Donc, c'est une sorte de. C'est un ovaire, hein, c'est une sorte de rond. Un ovocyte. Et un ovocyte, pardon. C'est un rond dans lequel on voit en effet une aiguille qui perce. Et en fait, c'est une vidéo en général et on la voit ressortir. Et c'est ça que tu étais en train de commenter. Commenter. Et donc, juste pour dire, ici, j'ai marqué l'ovule a une taille d'environ 150 micromètres. Ouais. Voilà, très bien, merci. Ouais. Je vais faire ma minute féministe là sur le coup. Certains scientifiques estiment qu'un pourcentage non négligeable des infertilités masculines gérées par cette fécondation in vitro ICSI, donc avec introduction du spermatozoïde dans l'ovocyte, pourrait être traité en amont en travaillant plutôt sur la fertilité masculine, ce qui est relativement peu fait pour le moment en fait. Pour les infertilités masculines sévères, on propose une fécondation ICSI. Tu entends quoi en fait par le traiter sur le masculine ? Donc en fait, on ne cherche pas les raisons de l'infertilité masculine. Ah d'accord. Généralement, on la constate. Et il y a assez peu de recherches qui sont faites sur pourquoi un homme est fertile ou pas. Et Tiens, c'est bizarre, je me demande vraiment pourquoi. Hein. Non, je rigole. Je... Enfin, on a pas mon Love the irony. Donc voilà, je voulais que ce soit dit quand même. Tu as bien fait. Hein. Bon, j'en arrive là, voilà, on arrive à la cerise sur le gâteau. Pour améliorer la sélection des spermatozoïdes, on peut utiliser des microscopes plus puissants. IRN. Donc, pour passer d'un grossissement 400 fois à 6000 fois, j'ai fait un lien vers le dossier d'IRN. Hein. Merci Stéphanie, tu es adorable. Je t'en prie. Il fallait bien qu'il y ait un peu de biologie qui revienne. Pierre, oui. Aussi. Donc, cette technique-là est appelée FIV-IMSI, donc injection intracytoplasmique de spermatozoïdes morphologiquement sélectionnés. Voilà. Elle permet de choisir les spermatozoïdes dont l'aspect morphologique est le plus normal possible. Sur l'image que je viens de vous mettre, ça permet par exemple de choisir un spermatozoïde sans vacuole. Donc les vacuoles, ce sont des petites bulles. On voit sur l'image, c'est le spermatozoïde A, il en a 3, et le spermatozoïde B, il a une tête bien lisse. Et donc on pense que l'ADN des spermatozoïdes portant des vacuoles pourrait être plus dégradé que ce sang. Donc le laborantin va essayer de choisir les spermatozoïdes les plus normaux possibles. C'est une question que j'allais poser en fait. Du coup, on sait ou on pense qu'il y a un lien entre la tête du spermatozoïde et la qualité, entre guillemets, enfin, c'est tant que ça veut dire quelque chose, de son ADN. Voilà, là il y a une suspicion sur les vacuoles. Ce qu'il y a aussi, c'est que les hommes fertiles ont des spermatozoïdes mal formés. Ouais. Mais moins. Mais typiquement, un truc tout bête déjà, c'est est-ce que la méthode où on sélectionne nous-mêmes, enfin où il y a une personne qui sélectionne le spermatozoïde qui va aller féconder, produit plus d'enfants avec des problèmes génétiques en fait? Alors, c'est une excellente question. Les études montrent pour l'instant qu'il n'y a pas de problèmes médicaux graves, il n'y a pas d'incidence de problèmes graves chez les enfants nés par PMA, et donc ICSI aussi. Il y a un nombre plus important d'angiomes. Donc, ces petites taches rouges, les petites excroissances de peau rouge, oui, qu'on voit souvent sur les visages, ce qu'on appelle des fraises, je crois. D'accord. Ouais, c'est ça, ouais. Mais qui sont totalement bénignes, si je ne dis pas de bêtises. Totalement. D'accord. Enfin, elles peuvent, dans de très très rares cas, elles peuvent être un peu problématiques, mais dans ces cas-là, on les enlève complètement. Tu me diras sinon, si j'ai tort, mais t'es presque en train de dire, on a remarqué qu'ils ont plus de taches de rousseur, quoi. C'est à peu près ça. D'accord. Mais oui, c'est amusant. Donc, voilà. Donc je suppose qu'en fait, le laborantin, c'est suffisant. Enfin, comme on est quand même qu'à un grossissement 6000 fois, il faut savoir que l'IMSI, c'est assez peu pratiqué parce que tous les centres n'ont pas ce type de microscope. Enfin, ne peuvent pas le consacrer à de la, entre guillemets, routine PMA. Donc, je veux dire, la main du laborantin, elle est quand même dans plusieurs milliers de spermatozoïdes, elle en choisit un et puis elle le met dans un ovocyte. Après, les anomalies chromosomiques, par exemple, qui pourraient avoir lieu parce qu'on a choisi un spermatozoïde qui n'a pas ce qu'il faut ou il faut, le zygote ne va pas se développer. Donc l'embryon ne va pas se développer, donc il ne va pas y avoir d'embryon transféré. Donc, Par contre, quand tu dis laborantin, moi je crois que c'est des médecins biologistes habilités, je crois. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait de laborantin si qui fasse ce genre de choses. C'est des biologistes, pardon. Laborantin, ouais, ouais. Au sens de personne travaillant dans un laboratoire, c'est pas forcément... En France, laborantin, c'est vraiment... c'est un diplôme, en fait. Oui, voilà. Donc, d'accord. Ah ouais. Biologistes, pardon. Ouais, c'est des biologistes et qui peuvent être ou pharmaciens ou médecins en France. Ouais. Ouais. Mais voilà, c'est... Laborantin, c'est les personnes qui travaillent dans les laboratoires d'analyse, en France. C'est des techniciens, en fait, les laborantins. Ouais. Par contre, je crois que j'ai dit une bêtise. Je ne pense pas que les pharmaciens biologistes soient habilités à faire de la FIV. Je crois qu'il faut être médecin. D'accord. Oui, ça, je ne sais pas. Mais ce serait assez logique. Si on en revient à nos petits gamètes, on les a mis en fécondation. Et 16 à 20 heures après la mise en fécondation, on peut distinguer les ovocytes fécondés de ceux non fécondés. Les ovocytes fécondés sont appelés des zygotes. Et ils sont remis en incubateur pour une durée de 2 à 6 jours avant d'être transférés. Hop, je vous mets dans la chatroom et dans le dossier des photos du développement des embryons, donc à 4 cellules, 8 cellules, au stade de blastocyste et de morula. Donc généralement, c'est entre les deux derniers stades qu'il va y avoir transfert. En fonction de la qualité des embryons, de l'âge de la femme, des précédentes réponses au traitement, des politiques des différents centres de PMA, mais aussi des pays, il va y avoir transfert donc, d'un ou deux embryons. Dans de rares cas, si les embryons sont de moindre qualité ou que plusieurs fécondations in vitro ont échoué, il arrive que 3 embryons soient transférés. C'est vraiment, en France, en Belgique, c'est extrêmement rare. En Suède, par exemple, dans 75% des cas, c'est un seul embryon. Ils ont le taux de grossesse gémellaire le plus bas dû au traitement PMA. Les embryons surnuméraires sont congelés dans l'azote liquide, on dit qu'ils sont vitrifiés. Ils pourront être utilisés si le premier transfert n'aboutit pas ou gardés pour une deuxième grossesse. Ils peuvent également être donnés à d'autres couples infertiles, à la science ou bien détruits. Et en France, je pense qu'il y a une loi qui vient de passer autorisant la recherche sur les embryons formés en fécondation in vitro. Alors les taux de grossesse sont de 10 à 30% par fécondation in vitro. Au terme des procédures remboursées, donc 4 en France, 6 en Belgique, 30 à 60% des patients ont obtenu une grossesse en fonction des tranches d'âge, donc le taux de grossesse diminuant avec l'âge des femmes. On considère 3 grandes catégories d'âge, c'est en dessous de 35 ans que les résultats sont les meilleurs, avec 60% de grossesse après 3 fécondations in vitro. Entre 35 et 38 ans compris, il y a une baisse des taux de grossesse, principalement en ICSI. Et à partir de 39 ans, les résultats sont deux fois moins bons, avec 30% de grossesse. Et au-delà de 42 ans, les grossesses se font vraiment beaucoup plus rares, quels que soient les traitements, d'où l'arrêt de la prise en charge par les organismes de remboursement dans certains pays. Donc en France, c'est 42 ans pour les femmes, il n'y a pas d'âge limite pour les hommes, et c'est 43 ans en Belgique pour les femmes. Ça, c'est un point intéressant parce que je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y a quand même de plus en plus d'études qui montrent que l'âge du père a un super gros effet sur les grossesses, en fait, sur les embryons, etc. Donc, je me demande s'il y a des recherches qui cherchent à établir un lien entre l'âge du père et le taux de réussite des fécondations in vitro. J'ai pas vu. Je sais qu'au-delà de 50 ans, ils demandent des examens plus poussés et des conditions du genre pas de tabac. Ouais. Voilà. Mais bon, après, il y a des hommes de 30 ans qui sont infertiles et d'autres de 50 qui sont très fertiles. C'est oui, ouais. Beaucoup plus variable que chez les femmes où on sait qu'il y a des femmes de 39 ans qui n'auront aucun problème à avoir une grossesse, mais elles seront moins fertiles qu'elles l'étaient ouais. à 29 ans. Ouais, ouais, ouais. En cas d'insuffisance ovarienne précoce ou de trop mauvaise qualité des ovocytes, la même procédure peut être appliquée à une donneuse. Donc celle-ci suit le même traitement et une fois ces ovocytes ponctionnés, ils sont mis en contact soit avec les spermatozoïdes du conjoint de la receveuse, soit dans le cas d'un double don de gamètes avec ceux d'un donneur. Un couple peut également recevoir des embryons donnés par un autre couple, donc ceux vitrifiés dont j'ai parlé précédemment. Il faut savoir que les temps d'attente pour bénéficier d'un don sont relativement longs en France. On parle de 2 ans pour un don d'ovocytes, voire plus. De ce fait, il est fréquent que les couples se tournent vers l'étranger, donc notamment la Grèce, l'Espagne, la République tchèque ou la Belgique, où les traitements vont être du coup en partie ou entièrement à leurs frais. Ça, c'est la conséquence de la gratuité des dons. D'accord. Sachant que quand je parle de gratuité des dons, je sais qu'il y a des gens qui voudraient une rémunération, mais une compensation. Donc, pour qu'une femme puisse donner ses ovocytes en France, il faut qu'elle soit déjà mère. Les hommes, pas. Il faut juste qu'ils soient majeurs, qu'ils aient moins de 45 ans, je pense. Et il n'y a en fait aucune compensation en termes de temps. Donc la femme ne va pas être mise en congé maladie. Donc tous les examens sont à faire sur son temps. Le traitement est entièrement gratuit quand même, mais il n'y a aucune facilitation du don, sachant que voilà, je vous l'ai dit, c'est pas léger comme traitement. Et en plus, je me disais, qu'est-ce que c'est qui pourrait stimuler, enfin, ou augmenter le don. En plus, j'imagine, je sais pas du tout, mais que on peut pas dire je veux faire un don à une personne spécifique. Non, parce que le don est totalement anonyme. Voilà. Mais par contre, ce qui arrivait à une époque, mais je pense que c'est moins fait maintenant, c'est que les gens qui souhaitaient avoir un don étaient avancés sur la liste d'attente s'ils amenaient un donneur. Et surtout une donneuse, en fait. Donc, ils ne recevaient pas de la donneuse, mais ils remontaient dans la liste d'attente. Ouais. Mais par contre, d'un point de vue de la donneuse, je ne sais pas, moi, si par exemple, je sais que ma meilleure amie ou ma sœur ou un truc comme ça avait besoin d'un don, j'aurais peut-être plus tendance à le faire, alors que là, en France, il n'y a aucune incitation à faire des dons, finalement. Mais donc, il y avait cette, la possibilité de faire remonter des amis dans ou de la famille dans la liste d'attente. Mais bon... Il y a aussi quelque part le risque. Enfin, j'ai vu des gens qui, du coup, ont appris qu'ils étaient porteurs d'une maladie génétique. Parce que ces tests-là sont réalisés avant l'acceptation du nom. Ouais. Et c'est apprendre quelque chose dont on se serait bien passé. Ouais, bien sûr. Donc voilà, il y a assez peu de dons qui sont faits en France. Je pense pour le don de sperme, c'est plus par méconnaissance de la demande. Pour le don d'ovocytes, c'est quand même pour la lourdeur de la procédure, plus le fait qu'une femme sans enfant n'a pas le droit d'en faire. Donc, je veux dire, une femme qui se dit « moi, je ne veux pas d'enfant, mais je veux bien faire don de mes ovocytes parce que, autant qu'ils servent à quelqu'un qui en a besoin, ce n'est pas possible. Ouais. » Il a été estimé que c'était trop lourd psychologiquement pour une femme qui n'aurait pas eu d'enfant de subir ce type de traitement. Tant qu'on est en train de parler des lois et un peu des règles un peu partout, clairement, concrètement, moi j'ai découvert le terme PMA lors des joyeuses manifestations de la Manif pour tous. Et ça m'amène un peu une question, maintenant que je sais plus précisément ce que veut dire PMA que ce que je l'ai su en m'en renseignant à l'époque. Dans les pays, en fait, au niveau homosexualité, le fait que c'est principalement les lesbiennes puissent avoir avoir un enfant, être enceinte par ce biais-là, toutes les méthodes sont gérées à égalité sous un terme vague qui s'appelle PMA, ou est-ce qu'il y a des droits qui... Bon, en France, tout est interdit, mais est-ce qu'il y a des pays où certaines pratiques sont autorisées, d'autres interdites ? Qu'est-ce que tu veux dire par certaines pratiques ? Tu as décrit plein de méthodes. Ouais. Que tu as mis dans la famille PMA, et est-ce qu'il y a des pays où on dit elles peuvent avoir une des pratiques, mais pas toutes les pratiques, pas la fécondation in vitro, pas je sais pas, ou est-ce que en fait c'est traité assez indifféremment ? Non, après en fait il y a assez peu de pays qui le permettent. Hein. D'accord. En Europe, c'est la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède. Et c'est tout, ça fait pas beaucoup sur 28. J'ai pas réussi à trouver de liste en fait qui autorisait la PMA aux couples homosexuels en fait. J'ai trouvé une liste de pays autorisant l'adoption, mais la France autorise l'adoption pour les couples homosexuels, mais pas la PMA. Les couples homosexuels sont moins discriminés pour l'adoption que les célibataires, sauf pour les pays qui refusent l'adoption par les couples homosexuels évidemment, mais ils refusent généralement aussi l'adoption par les personnes célibataires. Et pour continuer d'un peu dans cette logique-là, et par contre, ce qui ne fait pas partie de la PMA, pour les couples homosexuels ou hétérosexuels, c'est la gestation par autrui. Oui, j'allais y arriver. D'accord. Mais donc, je ne sais pas si vous voulez que je passe par la GPA ou si je continue gentiment mon... Mais bon, par exemple, juste pour rester là-dessus, je trouve que la France est complètement hypocrite parce que les couples lesbiens viennent en Belgique faire des inséminations... pour lesquels après l'adoption est reconnue en France. Mais, enfin, je veux dire, c'est pas l'Immaculée Conception. Je rassure, il y a plein de partis politiques en France qui proposent qu'on améliore cette logique en interdisant l'adoption et l'obtention de nationalité française aux jeunes enfants nés à l'étranger. Je signale à tous les couples lesbiens qui sont les bienvenus en Belgique. Mais, donc voilà. Et j'avais une question, moi, mais pour les couples lesbiens, parce qu'on en entend beaucoup parler en France aussi, des couples lesbiens qui vont pratiquer la PMA en Belgique, dans ce cas-là, c'est pas remboursé par votre sécu, j'imagine. Alors, en fait, il faut savoir que notre sécu fonctionne différemment de la vôtre de base. L'infertilité en France est considérée comme une affection longue durée. Donc, grosso modo, à part les dépassements, tout est compris. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas en Belgique, et même comme ça, il y a toujours quelque chose à payer en Belgique. Une insémination artificielle, je crois que c'est 390 euros, quelque chose comme ça. Mais donc c'est, enfin, on est d'accord que c'est quand même pas énorme par rapport au prix que coûte vraiment une... Non, voilà. Après, je sais que... Et c'est le même prix par rapport pour une coupe de française ou un couple de... Mais en fait, je ne sais pas. Je sais que pour le don d'ovocytes, par exemple, je sais que... il arrive que les médecins français prescrivent les traitements que la donneuse va recevoir à la femme française pour qu'ils soient remboursés. Mais là, on rentre dans des choses qui sont moyennement légales. Et je sais que, en fonction, vu que le don d'ovocytes est extrêmement compliqué à obtenir en France, il arrive que les mutuelles, sur demande, remboursent une partie des frais. Donc, il y a un mécanisme européen qui dit que si on ne peut pas obtenir un traitement dans son pays, on est en droit d'aller le chercher dans un autre pays européen. Et donc, en fonction des mutuelles, ça peut passer. Et c'est seulement une partie, donc ça va être les traitements qui touchent le couple lui-même et pas la donneuse ou ce genre de choses. En fait, c'est vraiment compliqué. Il n'y a que les gens qui ont les moyens qui vont pouvoir passer par là. Et même eux, ça va leur coûter relativement cher entre les frais de déplacement, de logement, de traitement, les frais de la clinique, le fait que les donneurs reçoivent une rémunération. Donc là, les donneuses principalement. Je sais qu'en Espagne, une fécondation in vitro avec don d'ovocytes compte environ 5000 euros. Il y a 1000 euros qui sont donnés à la donneuse. Je vais parler d'autres trucs rigolos. Pardon. Pas du tout. En cas de maladie génétique chez les parents, la fécondation in vitro peut être couplée avec un processus qui est appelé diagnostic préimplantatoire. Donc ça, ce sont les FIV-DPI. Cette technique permet, après la fécondation de chaque ovule par un seul spermatozoïde et avant l'implantation dans l'utérus, de diagnostiquer la présence d'éventuelles anomalies génétiques chez les embryons qui ont été obtenus. Seuls les embryons ne présentant pas l'anomalie recherchée seront choisis pour le transfert. Le diagnostic se fait via l'analyse génétique d'une ou deux cellules du zygote prélevées par biopsie au troisième jour post-ICSI. Donc cette technique permet d'éviter à un couple se sachant porteur d'une mutation génétique de devoir subir une amniosynthèse et, le cas échéant, devoir interrompre une grossesse suite à la détection de la maladie chez le fœtus. Elle permet également d'éviter les fausses couches à répétition en cas d'anomalie grave. Il faut savoir qu'en plus, l'amniosynthèse présente toujours un risque de fausses couches. Donc il y a le risque d'interrompre une grossesse d'un enfant parfaitement sain. Le risque principal associé à la fécondation in vitro, parce que les autres traitements sont relativement peu risqués, sont lourds mais peu risqués, mais là, pour la fécondation in vitro, il y a l'hyperstimulation ovarienne. C'est ce qu'on cherche à faire. Normalement, un ovaire produit un ovocyte. Là, on cherche à en produire beaucoup. La forme bénigne se manifeste du coup dans 20 à 30% des cycles de fécondation in vitro. La forme modérée, c'est 3 à 6% et les formes graves, c'est de 0 à 1-2%. Les symptômes peuvent aller d'un ballonnement abdominal bénin, dans la forme bénigne, à une accumulation importante de liquide dans la cavité abdominale, des embolies et un syndrome de détresse respiratoire aiguë pour les cas les plus graves. Donc, il n'y a pas de « vous ferez une fécondation in vitro et ça ira », c'est quand même quelque chose qui est un peu risqué et... il arrive quand même régulièrement que les stimulations s'emballent en hyperstimulation. Une insémination artificielle pour laquelle il y a un emballement, donc il y a trop de follicules qui sont produits, au lieu d'avoir 2 follicules, on va peut-être en avoir 5 ou 6, et du coup, l'insémination peut être transformée en fécondation in vitro, en fait. Au lieu de procéder à l'insémination, on va ponctionner les ovocytes pour n'en transférer que 1 ou 2. En fécondation in vitro, une fois que c'est parti, on essaye d'attendre que ça se recalme. Le problème étant que s'il y a grossesse, les hormones entretiennent l'hyperstimulation. Donc, dans les cas les plus graves, il y a hospitalisation de la femme enceinte. Les décès sont quand même relativement rares. Hein. Ça va. Je ne sais pas si tu allais en parler aussi, Stéphanie, mais c'est vrai que déjà, on voit que c'est super lourd médicalement, il y a des risques, c'est vraiment des traitements pénibles. Mais en plus, peut-être que tu allais en parler plus loin, mais d'un point de vue psychologique, c'est super dur aussi, en fait. Oui. J'allais pas en parler, mais effectivement, je sais pas s'ils sont dans la chatroom aujourd'hui. Je leur en ai parlé tout à l'heure, mais il y a une association en France qui s'appelle BAMP, qui essaye justement d'aborder ces questions-là avec les médecins. Psychologiquement, c'est très dur pour énormément de raisons qui sont d'abord le désir d'avoir un enfant, la lourdeur des traitements qui sont à concilier avec... Donc il faut savoir qu'il y a des échos... J'en ai pas parlé, mais il y a des échographies de contrôle pour vérifier la maturation des follicules qui peuvent être tous les jours ou tous les deux ou trois jours, qui sont à caser avec une vie professionnelle, avec des injections et des prises de médicaments à heure fixe. C'est annoncé à son boss deux jours avant que, en fait, la réunion, ben non, parce que c'est à l'heure de la ponction, donc non. Pour les cas d'endovocytes, c'est « Ah ben, la donneuse en République tchèque est prête, donc on part demain, pour une semaine ». Donc c'est une organisation et un poids psychologique qui est assez lourd, parce que ouais. La plupart des gens ne veulent pas en parler dans leur travail, ce qui est parfaitement normal. Et donc c'est devoir se cacher pour prendre les rendez-vous, prendre les mauvaises nouvelles au bureau et en plus entendre qu'on est carriériste parce qu'on veut pas d'enfants. Mais... Donc, ouais, non, c'est difficile. Ouais. Puis voilà. C'est long aussi, j'imagine, en plus, parce qu'entre le moment où ces couples essayent pour la première fois d'avoir un enfant et l'accès à ces techniques-là, il y a facilement plusieurs années. Mais sachant que les médecins attendent normalement 2 ans, oui. Au-delà de 35 ans, souvent, ils attendent moins longtemps. Mais avant ça, c'est vous attendez, il faut, enfin, c'est 2 ans d'essai avant. Et puis après, c'est les différents traitements. Donc, quelqu'un qui arrive en fécondation in vitro a parfois passé 2 ans à faire des stimulations ovariennes, des inséminations artificielles. Et entre le travail, la vie quotidienne et la gestion des centres, ben, ils ont pu faire 7 ou 8 essais. Et ils arrivent en fécondation in vitro, ils sont déjà bien, bien, bien amochés. Fatigué y a la question de avoir ou pas un jour un enfant qui s'éloigne quoi. Donc c'est effectivement il y a une lourdeur psychologique plus le fait qu'il va y avoir des gens qui vont dire que faut pas trop y penser parce que sinon ça va pas marcher. Ben, ne pensez pas à un éléphant rose, voilà. C'est difficile de demander à des gens qui doivent se piquer tous les jours de ne pas penser à ce pourquoi ils le font. C'est un gros problème dans tous ces traitements-là, plus le fait que les médecins ne sont pas toujours aussi humains qu'on pourrait le souhaiter avec ce genre de problème. Bon, eux, ils ont une problématique devant eux, ils essayent de la résoudre. Les gens, ils ont un désir d'enfant. Donc, c'est pas toujours, on est sur un niveau émotionnel ou sur un niveau médical et ce n'est pas toujours très compatible. En plus de la réalité juste hardcore de... nombre d'injections et des hyperstimulations. Oui. Il y a des cas qui s'en sortent bien, on va faire un petit peu le bilan après. Et là, je vais juste parler de la partie technique de la gestation pour autrui. Je ne vais pas rentrer dans la partie éthique parce que podcast science. Donc, la GPA, il s'agit de transférer les embryons d'un couple à une femme qui est dite la mère porteuse. Donc l'embryon n'a pas de lien génétique avec cette femme. En Europe, elle est tolérée en Belgique, aux Pays-Bas, en Pologne et en Slovaquie. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris au moment de la manif pour tous aussi, parce que chaque fois qu'on me disait que c'était autorisé en Belgique, je me disais que non, mais en fait si, parce qu'il n'y a aucune législation qui l'interdit. Donc en Belgique, depuis 1970, il y a eu, je pense, 20 ou 22 cas de gestation pour autrui. Donc c'est quand même extrêmement rare. Par contre, en Roumanie, en Irlande et au Royaume-Uni, elle a été légalisée. Donc... mais elle n'est pas rémunérée. Il y a très peu d'États qui ont mis des législations en place pour encadrer la gestation pour autrui. Dans le monde, il y a notamment les États-Unis, bah, c'est à eux qu'on pense plus quand on pense GPA, mais aussi le Canada, le Brésil, l'Inde, et elle est tolérée dans certains autres pays, bon, un peu comme en Belgique ou aux Pays-Bas, où il n'y a pas de législation qui l'interdit formellement. Ce qui est le cas, par exemple, en France. Bon, il n'y a pas que ça, mais... je vais en avoir fini ici avec la fécondation in vitro et je vais faire quelques... Je vais... Ouais. Je vais vous donner quelques autres infos. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à la technique en particulier. Non, ça a l'air d'être sage. Non, non, pas de questions pour l'instant. Ça marche. Donc, en France, il y a environ 2,5% des enfants qui naissent à la suite de traitements PMH chaque année, donc c'est-à-dire 20 000 bébés quand même. Depuis Louise Brown, il y aurait 5 millions d'enfants qui seraient nés grâce à la PMA dans le monde. Donc c'est 1978, pour rappel. Aux États-Unis, plus d'un tiers des jumeaux et trois quarts des triplés sont dus à la PMA, ça vous le saviez. En France, c'est 10%. Oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en cas de grossesse multiple, donc plus que gémellaire, en France ou en Belgique, on propose généralement une réduction embryonnaire. Donc c'est-à-dire qu'on va... il va y avoir avortement spécifique de un, ou, enfin, pour laisser deux embryons se développer au maximum. Parce que le risque avec les grossesses... déjà, il y a un risque avec les grossesses gémellaires de prématurité, mais en cas de triplé ou quadruplé, ça augmente avec le nombre d'enfants, on risque la très grande prématurité, donc les médecins préfèrent très largement éviter. La PMA pour les couples homosexuels, on en a parlé. Alors, l'après-PMA. Les résultats de la dernière enquête en France auprès de patients ayant terminé un parcours PMA sans enfant donnent qu'en moyenne, 5 ans après la fin des traitements, il y a 30% des couples qui sont restés sans enfant, 10% qui ont poursuivi la PMA par d'autres moyens, donc soit à l'étranger, soit il y a également la possibilité de faire des demandes en France pour faire des fécondations in vitro non remboursées. Donc, faire une cinquième ou sixième fécondation, mais en France. Et là, l'intégralité du traitement est à la charge des couples. 10% adoptés et 10% ont obtenu une grossesse naturellement. Donc, effectivement, 10% ont obtenu une grossesse naturellement, ça reste pas beaucoup. Il y en a quand même 30%, donc trois fois plus, qui sont restés sans enfants. Et pour les 20 autres pourcents, ils ont utilisé d'autres moyens. C'est là-dessus que je vais en terminer avec ce dossier. J'espère que vous avez appris des choses en m'écoutant ce soir et que vous ne confondrez plus les différents acronymes. Ou alors vous direz relire le dossier écrit pour vraiment ne plus les confondre. Et s'il vous reste des questions, ben je suis à votre disposition. J'ai pas trouvé de questions dans la chatroom, je crois. Ou alors ils n'ont pas écrit @PS. Ouais, non, ils ont. Va savoir de quoi ils ont discuté. Ils sont presque des sages. Merci Pouillot pour le joli dessin. Oui, on a un dessin de Pouillot aussi que vous irez voir avec quelqu'un qui fait un vitrail qui ressemble à... je sais pas, c'est un ovaire, je crois. Et du coup, fécondation in vitro. Et en dessous, il y a une petite voix qui dit « Eh oh, ce n'est pas in vitro, V-I-T-R-A-U-X. Hein. » Voilà. C'est dommage parce que ce serait plus poétique. Merci Pouillot. Voilà, bah donc je crois, je sais pas s'il y a des questions. J'ai complètement. Est-ce que tu veux bien meubler 5 minutes? J'ai oublié le. La suite. Toc. Non, le toc. Le pitch de la semaine prochaine. J'arrive dans 3 minutes. Donc. Tac, tac. Voilà. Alors, donc la semaine prochaine, nous recevons Paul du blog Les Petites Curies du Net. Et en fait, c'est un peu dans la continuité de notre dossier sur Marie Curie, où on avait évoqué donc, les Petites Curies, donc le dossier d'Irène en début d'année. Bah, donc, on invite un spécialiste de radiographie qui va donc nous parler. Donc, la radiographie médicale est apparue très vite après la découverte des rayons X en 1895. Bien que son principe physique soit resté le même, de nombreuses innovations ont vu le jour depuis. Plusieurs ont d'ailleurs été récompensées par des prix Nobel. Tour d'horizon en 5 chapitres chronologiques sur des éléments connus et moins connus de cette technique devenue aujourd'hui incontournable dans le milieu médical. Voilà. Donc, mardi 22 mars à 20h30, comme d'habitude. Est-ce que tu as fait ton travail, Stéphanie? Est-ce que tu es venue avec une couette? Oui, déjà la couette. Ok. Donc, I'm not a wizard of Frankenstein tampering with nature. We are not creating life. We have merely done what many people try to do in all kinds of medicine to help nature. Je vais traduire pour Robin. Je ne suis pas un magicien ou un Frankenstein qui manipule la nature. Nous ne créons pas la vie. Nous avons seulement fait ce que beaucoup de gens essayent de faire dans tous les domaines médicaux, aider la nature. Patrick Steptoe, créateur de la fécondation in vitro. Je trouvais qu'elle était jolie. Tu nous en fais une petite traduction ? Bah, je viens de la faire. Ah, j'ai pas entendu, putain. J'ai entendu la version anglaise, j'étais en train de me concentrer sur l'anglais. Bon, bah, j'ai rien dit. J'ai coupé le montage, je me couperai au montage, je suis débile. Rassurez-moi, je viens de la faire. Ouais, ouais, non, mais j'étais dans l'anglais, en fait. Mais elle est chouette, en plus. Bon, faut que je dorme aussi. Enfin, bref. Oui, c'est ça. Oui, bah, parce que là, ou alors c'est moi, et je suis passée dans un autre espace-temps. T'as dû la faire, mais j'ai dû louper la version française. J'étais concentrée sur la version anglaise. Je me disais, elle est... En fait, j'étais concentrée à me dire, elle sort d'où cette côte ? Elle est vachement bien, et puis... Mais oui, elle sort de Step 2 qu'on avait accusé de se mêler de la magnifique nature qui réglait normalement la conception et qui a dit que, grosso modo, il faisait son travail comme tout scientifique, d'essayer d'améliorer les choses qui étaient cassées. Elle a bon dos, la magnifique nature. C'est ça. On va dire ça aux diabétiques. Le temps que je remette la main sur le quiz du mois, on va passer au plug, je crois. Attends, je regarde. Les plugs, tu peux y aller. Je regarde sur le quiz. Il me semble qu'on avait surtout un plug pour le prix Abel qui a été remis, qui est un prix de mathématiques, qui a été remis à Andrew Wiles. Je ne sais même pas comment on prononce ça. C'est quelqu'un qui a démontré le grand théorème de Fermat, celui qui est le théorème de Fermat qui est compréhensible par tout le monde, mais démontrable par personne à part lui, à savoir x puissance n plus y puissance n égale z puissance n n'a pas de solution pour n plus grand que 3. Donc qui est une sorte de généralisation du théorème de Pythagore qui marche pas. Et voilà, et donc il a eu le prix, et ça est l'occasion, c'est pour ça qu'on fait un plug, de vous rappeler qu'il existe un livre merveilleux qui parle du dernier théorème de Fermat, qui s'appelle justement Le dernier théorème de Fermat, et qui retrace l'histoire de ce théorème et sa démonstration. Donc si vous voulez en savoir plus, lisez-le donc. Voilà, voilà. Et ah oui, il y a Robin qui voulait parler de quelque chose, donc comme on va l'inviter... Je pars sur le quiz du mois pendant ce temps-là. C'est un peu le bazar, cette fin d'émission. Le quiz du mois, donc. Si tu ronges tes ongles, ça marche aussi avec les manger des noyaux de cerise ou des pépins de pommes, tu vas avoir l'appendicite. Moi, on me l'a souvent dit quand j'étais petit. Donc, on info, jamais dit, je sais pas du tout. On ne l'a jamais dit, d'accord. Parce que pour moi, vraiment, c'est vraiment l'équivalent du coup de soleil, de l'hydrocution si tu vas à l'eau après t'être couché. C'est vraiment un truc qu'on m'a toujours dit. Si tu manges tes noyaux de cerise ou si tu te ronges les ongles, tu vas avoir l'appendicite. Tu en penses quoi, Stéphanie ? Enfin, moi, ma réaction, c'est un truc qu'on dit aux gamins pour pas qu'ils rongent leurs ongles. Donc moi je la connaissais avec la version il y a un risque qu'un cerisier te pousse dans les poumons si tu avales de travers un noyau de cerise qui était machin probablement faux qu'on racontait quand moi j'étais gamine. Mais par contre les ongles on me l'a jamais fait, on m'a laissé ronger mes ongles gentiment. Cela dit, si t'as un noyau de cerise qui te rentre dans les poumons, tu meurs, hein, c'est pas... Mais c'est ça, je veux dire, il va pas pousser en fait, hein, tu vas bien le sentir. Donc, en même temps, j'ai quand même vu des gens qui ont réussi à vivre avec un crayon enfoncé dans le cerveau, donc à partir de là, voilà, il y a quand même quelqu'un qui a réussi à ne pas se rendre compte qu'il s'était enfoncé un crayon dans le cerveau. Ok. Donc, voilà. Pardon, excuse-moi. Est-ce que Robin est en ligne ? Non, Robin n'est pas en ligne, on parlera... t'es là, Robin ? Mais tu veux pas que j'en parle, c'est ça ? Bah, je sais pas, si t'es là, que tu pourras en parler, c'est que moi, je ne savais pas quoi dire, mais bienvenue, Robin. Bah, écoute, je veux bien en parler. Après, pour l'instant, disons que je ne suis pas encore complètement certain qu'on va y arriver parce que j'ai peu de réponses du côté de Podcast Science. C'est mais le a meilleur priori, moyen, s'engager, c'est le meilleur moyen. Donc, je m'engage, j'engage Podcast Science. Enfin, j'espère que je ne serai pas tout seul de Podcast Science, en gros. A priori, là, on est parti, enfin, je suis parti, pour faire quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps, c'est-à-dire de lier le Palais de la Découverte et Podcast Science. Le 2 avril, au Palais de la Découverte, j'ai commencé à organiser, et normalement, il n'y a aucune raison pour que ça ne se fasse pas, une émission donc radio-dessinée sur le thème des œufs. Donc ça c'est quand même juste la blague, le thème, mais ça inspire énormément les gens, c'est formidable, il y a plein de gens qui ont des idées de trucs à raconter. Et donc l'idée c'est que cette émission va se faire avec des membres de Podcast Science et des médiateurs du Palais de la Découverte. Merveilleux. Faut que je dise autre chose ? Non, ça me paraît bien. On donnera plus d'infos quand on en aura plus. Donc plus d'informations quand tout le monde aura répondu à mes nombreux mails de plus en plus inquiets. Et en tout cas, mes collègues du Palais de la Découverte sont pour la plupart très contents de participer à ça. Donc voilà. J'espère qu'il y a vraiment des gens qui vont pouvoir venir participer de Podcast Science aussi. Et Ren m'a promis une intervention. Comme elle ne pourra pas être là, ça sera une intervention filmée ou enregistrée en audio. Mais il y en a d'autres aussi qui m'ont parlé de faire des petits dossiers et j'espère qu'ils vont venir les faire. Je ne balance pas encore les noms. En public, oui, c'est pour ça que j'en parle. Johan, on conclut ou il y a autre chose ? Je crois que c'est bon, on peut conclure. Eh ben, je te laisse conclure. Écoute, t'as mené d'une main de maître l'émission, tu peux y aller. Si cet épisode vous a plu et que les techniques de reproduction médicale, permettez-lui d'essemer par toutes les techniques que vous pouvez imaginer. Mettez-le sur Facebook, sur Twitter, sur SoundCloud, sur Google+, ou par mail à votre grand-mère. Depuis assez récemment, nous avons un compte Patreon, si vous voulez nous soutenir financièrement, ce qui nous permet d'organiser des émissions, par exemple, comme Robin vient de l'annoncer au Palais de la Découverte, faire venir des dessinateurs, par exemple. Voilà, je vous remercie. C'était l'épisode 253 et que servir la science soit votre joie.